بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن في الدرس 93 On commence aujourd'hui le cours numéro 93 dans l'explication de Umdat al-Ahkam, Kitab al-Salat, le chapitre de la prière. Aujourd'hui, on commence un nouveau sous-chapitre, Inch'Allah ta'ala, Bab al-Tashahhud, le sous-chapitre concernant le Tashahhud. L'auteur Abdelghani al-Maqdisi, rahimahullah, il nous dit « Wa an Abdillah ibn Mas'udin radiyallahu anhu qal » علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Et donc il dit, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم m'a enseigné le tashahhud comme il m'enseigne une sourate du Coran. Mes deux mains, ou du moins ma main, étaient dans ses deux mains. At-tahiyyatu lillah, wa-salawat, wa-tayyibat, as-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasuluh. Wa fi lafz, et dans une autre narration, idha qa'ada ahadukum fi ssalati falyakul at-tahiyyatu lillah fa dhakarahu. Dans une autre narration, donc il dit, lorsque l'un d'entre vous s'assied pour la prière, alors qu'il dise at-tahiyyatu lillah, et ensuite il a cité le reste de l'invocation. Wa fihi fa innakum idha fa'altum dhalik فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et dans cette autre narration, il est dit donc, car si vous faites cela, alors vous avez passé le salam à tout serviteur pieux qu'il y a dans les cieux et sur la terre. وَفِيهِ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ. Et il est cité aussi dans cette narration, alors qu'il choisisse parmi les invocations ce qu'il veut. في هذا الحديث مسائل. Il y a plusieurs points à voir dans ce hadith que nous venons de vous lire, que je viens de vous lire. فنذكر أولا ما يتعلق بمعاني بعض الألفاظ. On va citer tout d'abord ce qui est lié à la signification de plusieurs termes. فالصلاوات جمع صلاة. Et donc الصلاوات, c'est le pluriel de salat, la prière qu'on accomplit tous les jours. فهذه الصلوات التي نصليها كل يوم فهي لله تعالى فقط. Et donc toutes ces prières qu'on accomplit tous les jours, elles sont pour Allah Ta'ala seul. ثم عمم النبي صلى الله عليه وسلم بعد التخصيص فقال والطيبات. Et ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم, dans cette invocation, après avoir cité un acte spécifique, c'est-à-dire la salat, il cite un acte général. Donc At-tayyibat, ce qui est voulu par at-tayyibat, kullu ma ya'maluhu al-mar'u min al-khayr, tout ce que l'individu va accomplir comme bonne action, et donc les bonnes choses. Wa antum tulahidun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara as-salata aw na'am annahu sallallahu alayhi wa sallam dhakara as-salat wa dhakara ba'da dhalika al-a'mal ay baqiyat al-a'mal as-salihah. Et donc vous pouvez remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout d'abord cité la prière, et ensuite il a cité les autres bonnes actions. Pourtant as-salat hiya min al-a'mal as-salihah, pourtant la prière fait partie des bonnes actions. Wa hadha yadulluna ayyuha al-ikhwa ala wa hadha yudhakkiruna ayyuha al-ikhwa على أهمية يذكرنا بأهمية هذه الصلاة. Cela nous rappelle l'importance de cette prière. وأنتم تذكرون أن من تركها فقد كفر. Et certes, vous vous rappelez que celui qui la délaisse a mécru. Celui qui délaisse cette prière aura mécru. En ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette invocation, Assalamu alayka ayyuhan nabi, que la paix soit sur toi, ô prophète, فهل نقول السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي؟ Est-ce qu'on va dire السلام عليك, que la paix soit sur toi, au prophète, ou alors on va dire que la paix soit sur le prophète? قال العلامة ابن باز رحمه الله الأفضل أن نقول السلام عليك أيها النبي. Et donc le très savant Ibn Baz رحمه الله aussi اللجنة الدائمة, ils disent donc le mieux c'est de dire السلام عليك, que la paix soit sur toi ô prophète, ورحمة الله وبركاته. وذلك لأن هذا اللفظ هو الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. Pourquoi? Parce que ces termes-là, ce sont les termes que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a enseignés. En ce qui concerne le fait de dire, بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام على النبي فهذا اجتهاد. Donc en ce qui concerne le fait de dire que après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم il faut dire que la paix soit sur le prophète, alors ceci est un effort de jurisprudence. Mais ce que le prophète il nous a enseigné, c'est de dire que la paix soit sur toi. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fahuwa du'a bi an yusallimahu Allah ta'ala min kulli shar. Et donc c'est une invocation pour que Allah le préserve de tout mal, qu'il lui fasse miséricorde, yarhamuhu, wa kadhalika yubarika fi, et qu'il le bénisse. Thumma qawluhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous, ainsi qu'aux serviteurs d'Allah pieux. Fahada min al-adab fi du'a. Et donc cela fait partie du bon comportement dans l'invocation. Akhraj al-Tirmidhi fi al-Jami' an أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. الترمذي يسيد dans son jami' selon أبي بن كعب que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsqu'il citait quelqu'un et qu'il invoquait pour lui, alors le prophète صلى الله عليه وسلم il commençait par sa propre personne. Il commençait par sa propre personne. Voilà pourquoi on voit ici السلام علينا, que la paix soit sur nous, wa ibadillahi salihin, et après on cite les serviteurs d'Allah qui sont pieux. Fal insan idha da'a yabda'u bi nafsihi. Donc l'être humain lorsqu'il invoque, il commence par sa propre personne. Thumma kalimatu tawhid. Et ensuite la parole du monothéisme pur. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Fa'ajaban liman yadhkuru hadha at-tashahhud kull yawm marrat thumma yadhhab yushrik billah. Et donc c'est vraiment surprenant de voir ceux qui vont faire le tashahhud tous les jours plusieurs fois et ensuite ils vont aller donner des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que on médite sur les différents termes, les différentes paroles que on va prononcer durant cette salat? Est-ce qu'on médite un peu? Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit donc dans ce tashahhud à la fin, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Fa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. لا يضره ما يقوله ويفعله السفهاء. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que ce que font et ce que disent tous ceux qui sont vils le concernant, tout cela ne lui fait pas de tort, ne lui fait pas de mal sallallahu alayhi wa sallam. فقد رفعه الله تعالى. Allah ta'ala il l'a élevé. وأعداؤه حاسدون. Et ses ennemis sont jaloux. فَإِنَّكُمْ لَتَجِدُونَ رَجُلًا وَاحِدًا فِي تَارِيخِ الْعَالَمِ كُتِبَ فِي سِيرَتِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَفَضَائِلِهِ كَمَا فُعِلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et certes, vous ne trouvez pas dans l'histoire du monde un homme, vous ne trouvez pas dans l'histoire du monde un homme pour lequel Il y a été écrit autant de livres concernant sa biographie, son comportement et ses mérites. Vous ne trouvez pas un homme qui, pour lequel les gens ont écrit autant que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala qad qarana ismahu bismi nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah, il a lié son nom au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lidhalika tajidu al-mu'adhdhin fil 'alam kullihi idha ja'a waqtus salat yarfa'una aswatahum qa'ilin Allahu akbar Allahu akbar. Et c'est pour cela que tu trouves les mu'adhdhin, lorsque vient l'heure de la prière, ils élèvent la voix et ils disent Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah. Et ensuite, après avoir cité Allah tabaraka wa ta'ala, ils disent ashhadu anna Muhammadan rasulullah fa la yuzkaru Allah ta'ala li nida'i as-salat illa wa yuzkaru ma'ahu nabiyyuhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah ta'ala n'est pas cité pour l'appel à la prière sans que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit nommément cité. Et certes, vous vous rappelez aussi de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna shani'aka huwa al-abtar. Certes, celui qui te déteste, celui qui te déteste sera sans prospérité. Maktou'un min al-baraka, maktou'un min al-khair. Il sera donc privé de la bénédiction, privé du bien. Et aussi, vous vous rappelez de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna kafeynaka al-mustahzi'in. Certes, nous te suffisons face à ceux qui se moquent. Fal muslimu la yadurruhu fi'lu ha'ula'i sufaha wa la yajurruhu dhalika ala fi'li ma harramahu Allah li tasdiqihi al-jazim bi sidqi kalamillahi ta'ala wa anna Allah ta'ala takaffala bi ha'ula'i alladhina yastahzi'una bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le musulman, ce que les soufaha, ceux qui sont vils et stupides, vont faire, ce que ces gens-là vont faire, cela ne fait pas de mal aux musulmans. Et cela ne va pas non plus le pousser à faire ce que Allah Ta'ala a interdit. Pourquoi ? Parce que le musulman, il croit fermement à la véracité de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et que Allah Ta'ala, il se charge de tous ceux qui se moquent de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. أما الذي أجاز السخرية بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر ولا شك. Et en ce qui concerne celui qui a autorisé la moquerie et donc qui a autorisé la caricature concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci est de la mécréance et il n'y a nul doute concernant cela. كيف تجيز السخرية بالله وَبِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Comment peux-tu autoriser le fait de se moquer d'Allah Ta'ala et de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui dit قُلْ أَبِي اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et demain, on va citer les autres profits qu'il y a dans ce hadith. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra.